ma sombre réalité, celle qui va te faire chialer, la réalité à rattraper. Carrément la fiction, à la télé on voit des trucs qui sont en train de se passer. Pour moi la vie elle est cramée, mais ça c'est juste mon opinion. Dans ce rage j'essaie juste de m'insérer garçon. Moi je suis jeune c'est vrai, mais je suis prévoyant. Je m'éclate à faire du son et je me projette à fond dedans. Pour l'instant je rappe solennellement, je suis ce qu'on appelle un indépendant. Les critiques, les insultes, tout ça je chie dedans. La mentalité des gens est trop pourrie maintenant. Certains prennent leur pied juste à te critiquer. Dis ce que tu veux sur moi, tu sais quoi, tu sais quoi. Bah ça ne m'atteint pas, sombre réalité. Je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie Je constate et je décris, laser mie, sombre réalité. Je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie Je constate et je décris, laser mie, sombre réalité. Celle qui rattrape même la fiction. Nous sommes dans un monde pourri fiston. C'est à notre génération et à celle-là d'après de tout faire pour se rattraper. Certains diront que c'est trop tard et que le mal est fait. C'est vrai, mais il faut rien lâcher. Ce monde est plein de contradictions qui nous font perdre la raison. On prend le mal comme quelque chose de bien. La vue dans l'état qu'on est, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos gamins à l'heure où le monde entier est numérisé, juste une panne d'électricité et on est tous paumés. Soumis à cette société, infectée de mauvaises personnalités, nous sommes tous des pantins. Elle est où la liberté? Putain, en France, ils parlent de liberté, d'égalité et de fraternité. Que des belles paroles en l'air, une bonne image cache la demeure. Par derrière, sombre réalité. Je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie Je constate et je décris, laser mie, sombre réalité. Je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie Je constate et je décris, laser mie. Je vais pas me reposer sur mes lauriers, sombre réalité. J'écris ce qui me passe par la teuté, mes rimes se comptent par milliers. Ça va peut-être te faire rigoler, mais parler de la misère du monde, ça ne fait que me soulager. Je pourrais me décrire comme un mélancolique, car je passe du rire au seum en un seul clic. Moi je suis de ceux qui pensent que l'avenir est tracé, et que quoi qu'on dise ou qu'on fasse, tout est déjà calculé. Je veux pas m'inquiéter, la vie je la laisse défiler. Le thème c'est son réalité. Je rappe tout haut ce qui se passe tout bas. Ici c'est la merde et on la cache en bas. On compte même plus les morts pour une histoire de patrie. Derrière toute monarchie il y aura toujours de l'anarchie. Mais toi profite de ta vie, car ça n'a pas de prix. Son réalité, je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie Je constate et je décris, laser mie, sombre réalité. Je m'engage à te dévoiler toute la vérité. C'est ma perception de la vie. Je constate et je décris, laser mie.